Les nuits de France Culture, la nuit des fantômes. Alors les fantômes, les esprits frappeurs, nous les quittons à l'instant et nous n'allons certes pas souhaiter les voir disparaître. La nuit est blanche et longue. Donc une nuit commencée en compagnie de Caroline Callard, historienne, auteure d'un essai paru chez Fayard intitulé « Le temps des fantômes, spectralité de l'ange moderne ». Nuit poursuivie par la fréquentation d'un fantôme, d'autant plus redoutable qu'il est humain. Le fantôme de l'opéra, dramatique de Jean-François Audureau, réalisé par Claude Roland-Manuel d'après le célèbre roman de Gaston Leroux. Et j'oubliais avant cela une savoureuse enquête sur les fantômes snobs par Micheline Sandrel, c'était en 1950. À venir dans les archives, Le Monde Insolite, Fantômes et Tourisme, le tourisme des châteaux hantés en Angleterre, émission de Jacques Borel, diffusée en 72 sur France Culture. Puis, retour à la fiction. Mais lorsqu'il s'agit de fantômes, on n'est jamais très éloigné de la fiction. Le Tour d'écrou d'Henry James, une adaptation de Jean Pavance, une réalisation d'Étienne Vallès. Et puis, in fine, le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. Et nous aurons aussi accueilli un chasseur de fantômes, Anthony Augusto, qui vient de publier aux éditions de L'Opportun, La France hantée. Je vais vous faire voyager dans les méandres d'un univers fantastique, mais attention, le chemin est long et implique de garder l'esprit ouvert, y compris face à l'invisible, nous prévient Anthony Augusto. Clélia Zernik, bonsoir. Bonsoir Philippe Garbi. Éric Zernik, bonsoir, à vous aussi. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, quand une professeure d'esthétique à l'École nationale des beaux-arts de Paris, agrégée et docteur en philosophie de l'art, s'associe à son père, agrégé lui aussi de philosophie, ancien prof d'Hippocagne à Louis le Grand à Paris, et aujourd'hui formateur dans le cadre de l'agrégation interne de philosophie. Donc, lorsque la fille et le père s'associent pour publier un livre, de quoi s'agit-il? Eh bien, de fantômes, tant mieux, puisque ça tombe très bien. Nous sommes donc en pleine nuit des fantômes, et nous sommes à la bonne heure quasiment, comme ça entre 3 et 4, comme ça je crois que c'est l'excellente heure pour les fantômes. Alors, le livre que vous publiez s'appelle « L'attrait des fantômes », publié chez Yellow Now. Nous avons écouté Jacques Derrida à la fin de notre entretien avec Caroline Callard. Et il dit, je ne sais pas si c'est dans cet extrait, non, pas dans l'extrait, mais il dit ailleurs que le cinéma est un art de la fantomachie. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes d'accord avec cette expression, le cinéma est un art de la fantomachie? Alors, ce qui nous a intéressé avec la question des fantômes, c'est que c'est à la fois un objet qui peuple les films. Il y a beaucoup de fantômes de toutes sortes et très variés. Mais c'est également le médium lui-même est fantomatique par sa discontinuité et par sa surface un peu voltante. Et donc, on a comme ça un art de la fantomachie, sans doute. Alors, la définition de Jacques Derrida, c'est « fantomachie, avoir la mémoire de ce qui n'a jamais eu la forme de la présence et nous hante ». Alors, vous deux, père et fille, vous ne vous êtes pas intéressés aux films de genre que pourrait être le film de fantôme. Hein, ce n'est pas les films de René Clair ou d'autres comme ça, qui sont d'excellents films, mais c'est plutôt sur l'image fantomatique. Enfin, est-ce que vous vous demandez d'ailleurs si les fantômes existent, Éric Zernik? C'est quand même une question. Alors là, je peux vous donner la réponse de Jacques Derrida, oui. Qui disait, quelqu'un qui lui posait la question... C'était Bulogier, non, la fille, oui, de Bulogier. Pascal Ogier. Pascal Ogier, voilà, c'est ça. Qui disait, est-ce que vous demanderiez à un fantôme s'il croit au fantôme? Et effectivement, il disait, là, moi, je suis un fantôme. Et je pourrais vous faire la même réponse, d'ailleurs, parce que à la radio, la nuit blanche, etc., je suis un fantôme. Alors, comment voulez-vous que je dise que je ne crois pas au fantôme? Ceci étant, bien évidemment, je ne crois pas au fantôme comme on ne croit à l'existence de cette table ou de ce verre d'eau. Il y a... une forme de réalité du fantôme qui n'est pas une réalité empirique et que le cinéma, justement, a cherché, en tout cas parmi ses grands metteurs en scène, a cherché à capter sans pour autant l'identifier sous une forme trop objective. Il s'agit de saisir une réalité, mais une réalité qui n'est pas vraiment objective. Mais quand même, c'est pas. Il y a des titres, des films que vous traitez dans ce livre, donc dans cet essai, L'attrait des fantômes, mais où en effet, il n'y a pas de fantômes avec les chaînes qui arrivent aux 12 coups de minuit, qui s'en va dès que le coq chante. Mais il y a quand même, en tout cas dans les films japonais, alors là, c'est peut-être votre spécialité, Clélia Zernik, il y a des personnages qui ont l'air bien vivants, qui sont même parfois plus qu'une meilleure tête que leur veuve, mais qui sont quand même un petit peu terrible, enfin, leur existence, entre guillemets, là, sur Terre. Alors, la question a été un peu déplacée, effectivement. C'est pas tant la question de l'existence des fantômes que la question de la force ou de la puissance des fantômes qui reviennent toujours. Leur utilité. Leur utilité et leur coexistence avec nous. En réalité, la question des fantômes, c'est la question de la coexistence des vivants et des morts. Comment on fait une place aux morts? Comment les morts peuvent s'inscrire dans le tissu du réel et le tissu du temps? Le cinéma permet ça précisément par son montage, par ses discontinuités. Il permet de faire ressurgir ces puissances qui sont pas forcément effectivement maléfiques, mais qui permettent aussi une réconciliation entre les vivants et les morts. C'est le cas, vous évoquez, du film de Kiyoshi Kurosawa, Vers l'autre rive, où le mort revient pour se faire pardonner auprès de son épouse. Mais reconnaissez que dans le film, il a l'air beaucoup plus vivant que son épouse. Il a l'air beaucoup plus vivant que son épouse. Sa veuve est toute pâle, toute blanchâtre, alors que lui-même fait que de manger pendant le film, a mal aux pieds, donc est tout à fait corporel et physique. Et puis ce que j'ai pu remarquer, c'est que les deux, toujours côte à côte, sont habillés avec des couleurs complémentaires. Alors les couleurs complémentaires, c'est précisément une complémentarité. Rouge-vert. Rouge-vert. Le vert, c'est la couleur qui surgit quand on a trop regardé le rouge, mais de nulle part, qui surgit fantomatiquement quand on a trop regardé le rouge. Et donc cette complémentarité, cette coexistence, elle dépasse la question de l'existence, en un sens. Le vert qui surgit quand on a regardé de manière trop prolongée du rouge n'existe pas. Et pourtant, il y a un effet de vert évident. Vous avez cité un film japonais, mais avant même de citer les autres films, Clélia Zernik et Eric Zernik, on pourrait donner quelques pistes. Donc, on a parlé de ce fantôme qui paraît très vivant alors que sa veuve a d'une pâleur mortelle, mais enfin, on la comprend un peu, elle est un peu inquiète quand même, cette proximité. Et puis, aussi une ronde de fantômes. Ils sont italiens. Une photo de classe prise en l'absence, pense-t-on, du directeur d'un collège. Deux petites filles au détour d'un couloir dans un hôtel qui est cerné par la neige. Ça dit certainement quelque chose à tous nos auditeurs. Une femme dégoulinante d'eau. L'eau, c'est toujours très importante dans l'histoire de fantômes. Elle qui rampe, les cheveux sur le visage, et puis qui finit par sortir de l'écran de télévision et foncer vers le héros, ce qui est assez effrayant en soi aussi. Une fausse morte qui réapparaît avec un chignon qui donne le vertige. J'ai à peu près cité, enfin je n'ai pas donné les titres de films, mais enfin quand même j'ai évoqué quelques fantomatiques images comme ça, non, Eric Zernik? On peut le reconnaître, enfin, si on est un tout petit peu cinéphile, je crois qu'on peut reconnaître à travers votre description les films dont il s'agit. Bon, alors on va en parler plus précisément, mais moi j'ai envie qu'on parle tout d'abord d'un film donc, où il y a une image qui n'est donc pas, encore une fois, une image de fantôme, en tout cas c'est pas l'image d'un fantôme. J'ai évoqué une femme dégoulinante d'eau, mais on pourrait peut-être aussi commencer par une autre scène très aquatique de Revenant. Alors espérons que toutes les auditrices et les auditeurs reconnaîtront cet extrait, c'est à peu près certain, et puis ça ne dit pas la fin si tant est que quelqu'un ne connaît pas l'histoire. Ah. Ah, l'extrait jusqu'à son terme, hein, quand même, on ne vous passe rien. C'est un extrait, donc c'est la scène finale, quasiment finale, des Diaboliques de Clouzot, d'après le roman de Boileau-Narcejac. Alors, Éric Zernik, c'est pas vraiment cet extrait de film, du film des Diaboliques que vous traitez dans cet essai, donc l'attrait des fantômes. Non, c'est une scène beaucoup plus paisible, apparemment. Alors, c'est une scène plus paisible. Oui, un fantôme d'ailleurs, mais ça, j'en suis rendu compte il y a 2-3 jours. Il y a le fantôme de Johnny Hallyday. Figurant, oui. Figurant, je ne savais pas du tout. Ah oui, quatrième rang. Oui, quatrième rang. Enfin bon, bref, ça c'est une parenthèse. Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est... Jean-Philippe Smet, il s'appelait. Jean-Philippe Smet à l'époque, oui. Et il a 15 ans. Il a 15 ans. Oui, alors, l'extrait que j'analyse, c'est tout à fait au début du livre, c'est dans l'introduction, c'est la scène de la photo. Le directeur, Paul Meurice, a disparu. Oui, c'est pas vraiment le début, hein, quand même. Non, c'est pas le début. Non, c'est le début du livre, c'est pas le début du film, effectivement. Et le directeur, Paul Meurice, a disparu. On croit, enfin, nous, spectateurs, ainsi que Vera Clouzot, la femme dont on entend ici les bruits, les palpitations et quasiment l'agonie. Vera Clouzot est absolument convaincue qu'elle a participé au meurtre de son mari. Et puis, bon, l'idée absolument machiavélique, c'est justement de faire mourir cette femme qui est en trop, elle est riche, et les deux amants veulent se débarrasser, enfin, le directeur et sa maîtresse veulent se débarrasser de cette femme pour empocher le magot. Et la photo de classe. Et alors, il y a la photo de classe. Et alors, sur cette photo de classe, on voit... quelque chose qui est un petit peu indistinct. Pour moi, c'est très intéressant à analyser parce que il me semble que comment photographier des fantômes, comment filmer des fantômes, il y a mille manières. Mais ici, ce qui est très intéressant, c'est que on ne sait même pas si c'est un miroitement, si c'est une moirure. On ne sait pas si c'est dans la représentation ou sur la photo. C'est ça qui est très intéressant. Et donc voilà filmer un fantôme, ou en tout cas faire du fantôme un objet cinématographique, justement ne pas en faire un objet, mais c'est jouer avec... Un fantasme de fantôme. Avec le fantasme de fantôme, mais c'est pas seulement un fantasme, le fantasme est purement psychologique, mais il faut rendre, restituer quelque chose qui à la fois est et n'est pas. Voilà. Et ce qui est très intéressant ici, c'est justement que on ne sait pas si c'est un défaut de l'image ou si c'est une représentation de l'image. Et en tout cas, c'est derrière une fenêtre, parce que alors les fantômes adorent apparaître derrière des fenêtres. Oui, bien sûr. On entendra ça dans le tour d'écrou, mais j'imagine Clélia Zernik. Ah ben, le fantôme se joue des seuils, hein, tous les espaces où il peut pénétrer notre monde. Oui, où il peut s'immiscer. Donc tout, alors le seuil n'est pas une limite. Hein. C'est une zone intermédiaire, un peu comme la plage où il y a des va-et-vient, des ressacs. Et là se loge le fantôme, et c'est là précisément qu'il peut apparaître et disparaître. Et la fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme, elle permet aussi cette alternance de la présence et de l'absence qui caractérise le fantôme. Alors vous avez aimé depuis que vous êtes toute petite peut-être les fantômes ou Clélia Zernik? Ah non, je crois que c'est une... Non, je crois que c'est assez récent. Les fantômes n'existaient pas alors avant. Oui, voilà, c'est un fantasme de l'âge adulte pour moi, je crois. Mais maintenant vous êtes devenue une folle vous voyez un film, vous êtes sûre de voir un fantôme désormais? Non, pas forcément. Non. Mais je crois que c'est très lié à mon attachement pour le cinéma japonais où il y a effectivement beaucoup de fantômes. Dans la figuration des... Alors, il y a toute une mythologie du fantôme, il y a une histoire qui raconte l'histoire des 100 fantômes, il y a des yokai et des yurei, il y en a qui sont monstrueux, il y en a qui sont au contraire tout à fait ordinaires, donc il y a comme ça une typologie et un prisme très, très vaste, et c'est vraiment donner toute son ampleur aux élans de l'imagination que de traiter les fantômes via le cinéma japonais, notamment. Alors, on peut écouter un extrait de Ring. Ah! Alors peut-être que l'extrait est terrifiant en lui-même, mais peut-être aussi que les années que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe quand même. Alors on entend des chaînes, et en fait pendant que le... Alors ce qui est intéressant, c'est que le fantôme, on ne l'entend pas souvent, il est souvent muet, mais c'est via, au travers de la personne qui le voit, qu'on peut l'imaginer. Et là, ce fantôme qui est en fait Sadako, une femme sorcière qui serait décédée et qui hante les vidéos, les cassettes vidéo par une sorte de malédiction éternelle, sort d'un puits dans l'image de la télévision, sort très doucement d'un puits, elle est dégoulinante, elle a les cheveux noirs longs sur le visage, elle sort lentement du puits, elle rampe et puis à terme elle sort de la télévision. Donc il y a comme ça une sorte de mise en abîme tout à fait intéressante. Alors contrairement au diabolique, on a un fantôme avec un corps, avec une présence. Un vrai fantôme, vous alliez dire. Voilà, presque. Alors, qu'il sort de oui, alors la question du vrai fantôme, on peut y revenir à chaque fois. C'est vrai qu'on sort de derrière la fenêtre, on sort de dans la photo, on sort de derrière la télévision pour avoir un... Enfin, ça reste à l'écran, mais bon, la mise en abîme suggère que ça sort. Et on a un vrai corps de fantôme. Et moi, ça m'a intéressé. Qu'est-ce que c'est que ces corps de fantôme? Ben, ça joue d'un paradoxe. C'est un corps qui tente de se défaire de son corps, justement. C'est un corps qui se liquéfie, d'où la présence de l'eau assez fréquente. C'est un corps qui est toujours rattaché aux enfers, au souterrain, d'où la chaîne. C'est un corps, dans la tradition japonaise, qui a un cou démesuré, qui a sa tête comme ça, très très loin, qui fume, qui a une sorte de volute de fumée, comme ça, tout à fait déliquescent. Donc ça joue un peu du paradoxe d'un corps qui veut sortir de son corps, en fait, d'une forme sans forme. Et qui n'a pas de regard. Enfin, on voit un œil à un seul moment. Comme si l'œil lui-même sortait de sa place, quoi. On est dans l'étirement de l'image, dans l'étirement du corps, et dans la déformation aussi. C'est pour ça que ça nous fait peur, parce que ça nous ressemble, et puis en même temps c'est une vision déformée, troublée et troublante d'un corps humain, quoi. Et que doivent faire les héros quand ils se trouvent face à des situations, alors, de telles situations? Alors, dans le film, ils doivent dupliquer la cassette vidéo, ce qui est assez intéressant parce que le fantôme est quand même aussi, se joue souvent des bégaiements, des doubles, etc. Ils doivent dupliquer la cassette vidéo et la montrer à quelqu'un. Sauf que le problème, si on fait ça, c'est infini. Parce qu'on aura une cassette vidéo qui deviendra à nouveau une arme potentiellement mortelle. Il faudra à nouveau la montrer, à nouveau la dupliquer, à nouveau la montrer, à nouveau la dupliquer. Et ce, de manière infinie. Donc, c'est une malédiction sans fin. Alors, le film est de Hideo Nakata. Alors, vous avez écrit aussi Clélia Zernik sur Les Contes de la Lune Vague après la pluie, de Kenji Mizoguchi, sur Cairo, de Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa. L'autre rive, vers l'autre rive, on en a parlé. Mais il y a aussi les fantômes. Ça nous montre que le fantôme n'est pas une invention occidentale. Ça, mais on le savait. Il y a les fantômes aussi, les vrais fantômes. J'entends par là un postulat de départ. On fait comme si les fantômes existent. Et puis, il y a des revenants. Revenant utile dans un roman policier, donc bon, le roman de Bollonard-Sejacq, c'était celle qui n'était plus, et ça devient, ça c'était Les Diaboliques, et puis D'entre les morts, ça devient Vertigo. Oui. Éric Zernik, oui, vous allez oui, dire oui, comme si c'était un truc très simple, mais c'est... Oui, oui, c'est... Peut-être que vous en parlez, quand même. Oui, c'est... Alors, c'est... Là aussi, c'est un... C'est... une idée complètement machiavélique de la part d'un mari qui lui aussi veut se débarrasser de sa femme. Et par chance, ils ont pas l'idée de faire tirer à bout portant sur quelqu'un, ce qui serait idiot et qui ne ferait qu'un chapitre dans un roman ou cinq minutes dans un film. Et qui, sur le plan cinématographique, n'aurait pas énormément d'intérêt. Non, il s'agit de... Il s'agit de rendre amoureux un ancien flic qui, suite à un accident, a été obligé de démissionner parce qu'il est pris de vertige, comme le titre l'indique, vertigo. Il se trouve donc le mari, il s'appelle Gevers, si mes souvenirs sont exacts, hein, le mari demande à son ancien condisciple, bon, qui justement est privé de travail suite à son accident, de suivre sa femme. Cette femme est hantée, ou est supposée être hantée, par son arrière-grand-mère, qui... Carlotta, qui s'est suicidée suite à une aventure extrêmement malheureuse. Elle se noie, je crois, hein, c'est ça, il y a toujours l'eau. Est-ce que... Oui, elle se noie, oui. Dans le roman, elle se noie. Dans le roman, elle se noie, oui. Et dans le film aussi. Enfin, ça, on ne voit pas, hein, on ne voit pas. Et donc, il est censé... Il fait la filature de cette femme qui est hantée, qui s'appelle Madeleine. Et jusqu'au moment où il tombe amoureux. Mais ça, on verra seulement dans la deuxième partie du film, la femme aussi, enfin Madeleine aussi, ou celle qui est supposée être Madeleine, mais qui en réalité n'est pas Madeleine, hein, qui est Judy, une petite starlette, même pas, enfin, une pauvre fille qui a été recrutée par ce mari machiavélique. Et donc, il va y avoir une relation amoureuse entre les deux. Madeleine, va aller jusqu'au bout de ce qui était son contrat, c'est-à-dire qu'elle va monter dans le clocher. Ne dites pas tout. Oui, d'accord. On croit qu'elle est morte. Voilà, le deuxième film, la deuxième partie du film, se replie en quelque sorte sur la première partie, et on va retrouver Judy. Et, bon, je ne veux pas dévoiler à la fin parce que. Bon. Non, mais de toute façon, je crois que tout le monde a vu le film, que tout le monde a. Mais tout le monde peut le revoir, surtout, et relire les romans de Boulogne-Sejac, qui sont pas exactement, enfin, c'est pas exactement la même histoire, hein, dans les diaboliques, c'est inversé. Enfin, bref. Bon. Oui. Écoutons un petit extrait de cette apparition, parce que là aussi c'est pas un vrai fantôme, mais enfin c'est quelqu'un qui sort de la salle de bain à ce moment-là. Il y a de l'eau encore, donc et qui apparaît comme ça dans un halo extravagant, mais qu'on voit très très bien à la radio. C'est bien, quand même, une sorte de fantôme qui est sorti de la salle de bain, et oui. Eric Zernik. D'autant plus que sur l'image, elle apparaît presque en surimpression. Elle n'a pas d'épaisseur, quasiment pas de réalité. Et en même temps, elle a un regard tout à fait étrange. Elle a le regard de quelqu'un qui s'offre à la mort, littéralement. À la mort ou à l'amour. Bon, mais en l'occurrence, c'est la même chose, parce qu'il s'agit d'un amour qui est très mortifère. Bon. Bon, je trouve que cette musique est absolument saisissante, absolument magnifique, je trouve. Et effectivement, comme vous le disiez, exprime tout à fait ce qu'il peut y avoir de fantomatique dans le film. Et puis, dans l'idée aussi que le fantôme, c'est nous qui le créons quand même, parce que c'est vraiment James Stewart qui invente le fantôme, là, en l'occurrence. Là. Oui, James Stewart, peut-être Hitchcock. Parce que là, je trouve qu'il y a une réflexion sur la mise en scène. James Stewart joue véritablement le rôle d'un metteur en scène. Il maquille, il veut retrouver exactement les traits de Madeleine à travers Judy, et donc il est vis-à-vis de lui. Et il a raison, puisque c'est la même personne. Oui, il a raison, bien sûr. Il a raison, sauf que. Il a raison, mais il peut se croire. Sauf que ce qui manque, c'est au fond, c'est le référent ultime. Le référent ultime, ça pourrait être Carlotta. Ou le modèle, enfin la référence, disons, hein, ça pourrait être Carlotta, sauf que Carlotta est morte depuis très longtemps. Alors est-ce que c'est Madeleine? Mais Madeleine n'est qu'une image. Est-ce que c'est Judy? Mais Judy, justement, est complètement remodelée par James Stewart. Et donc, il n'y a pas... C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait que c'est vraiment un film de fantôme, même si c'est pas un film de fantôme au sens traditionnel du terme, mais c'est vraiment un film de fantôme dans la mesure où ce qui manque, c'est je dirais, la réalité substantielle. Il n'y a pas de réalité substantielle, il n'y a que des images. Il y a un jeu d'images, des images sur des images qui renvoient à des images, etc. Alors, vous voulez peut-être écouter un autre l'extrait d'un autre film, peut-être, Cléa Zernick, non? Il y aurait un petit gamin qui est dans un couloir d'hôtel, comme ça. Vous voulez? Vous êtes d'accord pour, oui, pour cette apparition? Alors, l'extrait donc de ce film américain, américano-britannique, je crois, c'est un couloir d'hôtel, un petit garçon sur son tricycle qui passe sur la moquette, puis qui passe sur là où il n'y a plus de moquette, qui, enfin bon, tout compte, c'est Shining, évidemment, Stanley Kubrick, d'après le roman de Stephen King. Alors, des fantômes là, évidemment, il y a des apparitions en tout cas. Oui, alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des petites filles qui apparaissent. Donc des jumelles. Des jumelles. Donc là aussi, c'est la continuité, la cohérence du réel est brisée par ce côté doublon des petites jumelles. Ce sont des enfants, donc qui viennent parler aussi au petit Jack qui est sur son tricycle et qui disent « Veux-tu jouer avec nous ?» Alors il y a quelque chose d'un jeu un peu machiavélique, d'un jeu un peu, un peu terrifiant. Et puis ces tours qui sont opérés avec le tricycle, c'est un peu comme les jeux d'enfants où il y a une formule magique incompréhensible par tous et qu'on répète en boucle pour faire justement surgir un fantôme auquel seuls les enfants croient, mais qui marche pour eux. Donc là, il y a quelque chose comme ça, une sorte de protocole ou de rituel un peu enfantin, mais qui fait surgir les fantômes. Et ces deux petites filles, donc, qui font aussi bégayer la cohérence de l'espace-temps du moment. Parce que, en plus, il y a un rapport avec le temps aussi. Comme oui, il s'est passé des choses... Enfin, ça, c'est un classique du genre, hein, quand mm-hmm. même. Être dans un lieu qui est hanté parce qu'il s'est passé 50 ans avant des crimes épouvantables. C'est un peu ça, quand même, le point de départ. Enfin, oui, c'est ça. Point de départ, si on accepte ce point de départ-là. Éric Zernick. Oui, c'est même plus compliqué que ça, puisque, d'une part... Jack Torrance remplace un serviteur qui, 50 ans auparavant, pris d'un accès de folie, a tué sa femme et ses deux jumelles. Mais il y a une référence au-delà, plus lointaine, qui est le massacre des Indiens, puisque l'hôtel a été construit sur un lieu de bataille où les Indiens ont été complètement éliminés, complètement massacrés. D'où des fleuves de sang qui coulent à plusieurs reprises, que l'on voit, là on ne sait pas exactement si ce sont de vrais fleuves de sang ou bien si c'est selon des fantasmes psychologiques, mais là encore, et c'est tout à fait typique des films de fantômes, on est toujours à la frontière entre le psychologique, le fantasme et d'autre part son objectivation, mais disons la réalité visible de ces fantasmes. Et puis ce qu'il faut, enfin le meilleur point de départ toujours pour un film de fantômes ou enfin d'épouvante, c'est laisser un personnage qui au début ne croit absolument pas ni aux fantômes ni à la répétition éventuelle de crimes anciens. Ça, c'est comme ça, on est avec lui. Enfin, on est nous spectateurs, nous sommes tout à fait matérialistes et on ne peut pas croire une seconde aux fantômes. Mais on va voir un film parce qu'on veut y croire une heure et demie, deux heures. Oui, alors on a envie de croire que les fantômes sont méchants, sont mauvais, mais ce qu'on a vu là dans les différents extraits. c'est que c'est à chaque fois, c'est les vivants qui sont mauvais. Dans Les Diaboliques, c'est un vivant. Dans Vertigo, c'est le mari également. Et même là, dans cet hôtel, c'est la réalité de ce qui s'est passé qui oui, est mauvais. Oui, mais le mari dans Vertigo, on l'oublie très très vite. Il n'a plus d'importance. Et les fantômes sont là pour faire ressurgir cette puissance de... Alors, il y a une sorte d'attraction-répulsion aussi, effectivement, vis-à-vis du fantôme. Même James Stewart dans Vertigo, il est entre attirance et répulsion, en effet, lui aussi. On ne veut pas que ça existe, mais en même temps, on veut aller les voir. Le petit garçon, lui, le fils de Jack Nicholson, si je peux m'exprimer ainsi, il est quand même attiré. Alors, ses petites jumelles, là, il aimerait bien aller jouer avec elles, finalement. Et puis, il y a une chambre aussi un peu bizarre, devant laquelle il s'arrête. Ça veut dire quoi, ça, Eric Zerny? C'est la chambre où a eu lieu le crime. Et qui... Alors comment le sait-il, cet enfant, question idiote? Il le sait déjà parce qu'il peut... Là, je reconstitue la logique. Hein. Oui, c'est pas dit de manière explicite, mais on peut supposer qu'il la reconnaît parce qu'il est doué de ce don qui est le shining, qui est une sorte de don de double vue. Mais effectivement, cette pièce joue un rôle tout à fait étonnant. Et d'ailleurs, ce qui me paraît peut-être le plus intéressant dans cette pièce, c'est la décoration. Décoration qui est partout dans l'hôtel. Ce sont des décorations très... C'est un hôtel, disons, du début des années du XXe siècle, tout en forme de labyrinthe, si je puis dire. Enfin, l'espace est labyrinthique, d'une part, et la décoration, c'est des jeux de symétrie, des jeux où constamment on se perd, enfin le regard se perd sans pouvoir trouver son lieu d'arrêt, si je puis dire. Et le labyrinthe va jouer un rôle. Alors le labyrinthe va jouer un rôle. On peut fin, dire que tout l'hôtel est labyrinthique et tout le film est labyrinthique. Oui, mais labyrinthique, mais en même temps, c'est des couloirs. Enfin, dans l'hôtel, c'est des couloirs très droits. Le petit garçon, il connaît ça très bien. C'est la moquette qui a des... Oui, alors il y a la moquette. Si on est bien attentif, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose de tout à fait étrange. C'est que les scènes du tricycle sont filmées en continu, mais elles ne peuvent pas avoir lieu au même niveau. C'est-à-dire que tantôt, on est dans les cuisines qui sont dans le bas, et tantôt, on est dans les étages, et cette discontinuité, elle n'est pas marquée dans le film. On la reconstitue. On sait bien que ça peut pas, enfin que la cuisine ne peut pas être au même niveau que les chambres, et donc ça donne un effet un peu de, si j'ose dire, de tournis. Mais en même temps, le temps se passe ainsi, comme ça, ça peut être ce cours de tricycle peut être sur 3, 4, 5 jours. 3, 4, 5 jours, 3, 4, 5 niveaux aussi. Alors, est-ce qu'on a raison, finalement, que ce soit dans le cinéma japonais, le cinéma américain, le cinéma français, de réveiller les fantômes? Est-ce que c'est une bonne idée, Cléa Zernik? Je crois... N'ayez pas peur de répondre. non, je crois... C'est un rire jaune un peu, là, non? ça fait un peu peur, évidemment, parce qu'on sort d'un rapport tout à fait organisé et clair au réel, où les choses sont ou ne sont pas. Et là, on arrive au contraire dans des zones où les choses sont et ne sont pas en même temps, où il y a une présence et une absence en même temps, où les choses sont doubles, où on est à la fois Judy et Madeleine, où on est à la fois à l'envers du monde et sur son endroit. Enfin, il y a comme ça un désordre topologique spatial et temporel qui s'immisce. Alors, c'est comme les montagnes russes, c'est très rigolo, mais ça fait un peu peur. Alors, j'ai cité comme ça tout à l'heure, pas cité de titre, mais parlé de la ronde des fantômes italiens. C'est un Fellini. Qui a traité ce film, Eric Zernik? Oui, alors... Bon, les fantômes... C'était le... Est-ce que c'est pas un abus de langage, là, fantôme? C'était le dernier traitement. Alors oui, on pourrait le croire. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on a terminé là-dessus? Alors quel film, déjà? 8,5. 8,5. Tout simplement parce que c'est un beau point d'orgue, je trouve. Ce sont des fantômes plutôt sympathiques, très italiens, justement. Enfin, très enjôleurs, avec le côté, oui, commedia dell'arte. Mais il y a quelque chose quand même de plus profond. Alors, vous me demandiez, est-ce que ce sont vraiment des fantômes? Oui et non. ce ne sont pas des fantômes au sens où on parle de films de fantômes. Effectivement, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu détonnant de terminer un livre sur les fantômes par l'analyse de 8 et demi. Mais ce sont des fantasmes qui se sont archivés dans la mémoire du personnage principal Guido, en particulier lorsqu'il était enfant. Et le monde de l'enfance, alors je dirais pas que c'est un monde de fantômes, mais en tout cas c'est un monde qui n'a pas la cohérence du monde adulte, et où effectivement les morts peuvent se réveiller, et où les portraits, alors il y a un tableau d'un vieil oncle, peuvent bouger et indiquer du regard un fantôme vers lequel, bien évidemment, les enfants vont se précipiter pour aller le trouver. Donc c'est un monde un petit peu merveilleux. Là, on a affaire, je crois, à des fantômes merveilleux. Mais surtout derrière tout ça, enfin, l'idée quand même du livre, c'est que il y a une affinité spécifique entre le cinéma et les fantômes, hein, que les fantômes sont pas simplement un objet ou un genre. C'est pour ça qu'il y a finalement peu de films de genre dans notre bouquin. Mais il y a deux possibilités. Ou bien le cinéma se réfléchit dans les fantômes, ne serait-ce que parce que le cinéma c'est un art de l'image. Et que l'image, c'est pas pour de vrai, c'est pas réel. C'est ce que rappelle justement le cinéma lorsqu'il réfléchit sur lui-même. Il rappelle que l'image porte la marque d'un défaut d'être, d'un défaut ontologique. Et puis, d'autre part, le second aspect, c'est le fait que le cinéma génère des fantômes, produit des fantômes, qu'il y a quelque chose de vraiment fantomatique dans le cinéma. Ça, c'est ce que disait Derrida, enfin, vous repreniez la citation, hein, il y a quelque chose de vraiment fantomatique, de spectral. Je n'ai pas fait une expérience, mais j'ai vu un film qui est tout à fait, un documentaire, tout à fait saisissant. C'est un petit peu ce qui était l'origine du livre. C'était pour le centenaire de la naissance du cinéma, du premier film des Frères Lumière. Et là, une équipe de réalisateurs avait eu l'idée de filmer des scènes quotidiennes avec des personnages vivants, avec le matériel de l'époque. Les films de l'époque. Et là, c'était vraiment une révélation. C'est-à-dire que c'était pas simplement le fait qu'on assistait au premier balbutiement d'un art, mais on saisissait de manière extrêmement émouvante. On saisissait ce qui constitue la quintessence même du cinéma. Et la quintessence même du cinéma, c'est justement ce rapport au spectral. C'est le fait que les images étaient sautillantes, qu'elles baignaient dans une sorte de lumière blafarde, etc. L'écran était blanc. Ouais. Justement, il y a l'écran, on parlait tout à l'heure de la fenêtre, etc. Mais la salle de cinéma est elle-même construite selon un dispositif qui rend possible la génération des fantômes. Et ce livre, donc, Clélia et Éric Zernik, dont vous êtes venu nous parler, ça s'appelle « L'attrait des fantômes », c'est publié chez Yellow Now, et ça vient de sortir, donc une dizaine de films explorés et expliqués, qu'on a envie du coup de voir ou de revoir grâce à vous. Merci à vous. Merci à vous deux. Alors cette nuit des fantômes se poursuit. Elle va se commencer par un documentaire, Fantômes et tourisme, puis une fiction, Le Tour d'écrou de Henry James. Puis nous rencontrerons alors là quelqu'un qui croit certainement aux fantômes et qui a certainement raison. Ça s'appelle Les aventures d'un chasseur de fantômes, la France hantée. C'est Anthony Augusto. Et puis on terminera par l'adaptation du roman ou de la nouvelle d'Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville.